Radio Sud. Radio Sud. Radio Sud. And I need you, boo. I gotta see you, boo. And the heart's all over the world tonight. Said the heart's all over the world tonight. I need you, boo. Oh, I gotta see you, boo. And the heart's all over the world tonight. Said the heart's all over the world tonight. Hey, little mama, ooh, you're a stunner. Hot little figure, yes, you a winner. And I'm so glad to be yours. You're a class all your own, and ooh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind, and you mean me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. 'Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my home. And oh, I'm into you. And girl, no one else would do. 'Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet his heart's all over the world tonight with the love of their life. Saturday, I gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Yeah. 'Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my all. Yeah. Sud. Ah, et revoilà le trio pour le remix Habla Chichi. Ah, Imhotep, Mami, Kamel, et on y va. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Oh, hakedan, mais tu es bien, hakedan. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Oh, hakedan, elle a tout hébillant, hakedan. Allez, on j'ai un cartonique, au goût tout étranger, oh, hakedan. Oh, حسبتي بلاديك وهنايا نموتو يا نهار علي وجهي الكرتونيك وقلتو اطرونجي وهاي كنت حسبتي بلاديك وهنايا نموتو يا نهار كوم سا فو ما في تخاي كوم سا وهاكي دمر لقيتو هذي يا نهار كي دمر كوم سا فو ما في تخاي كوم سا وهاكي دمر لقيتو هذي يا نهار كي دمر ما شفتكم اللي تغريب اللي وين اللي حبيبها ايها بورتو زايد هنا وهذا الشي حرام ويا ما شفتكم اللي تغريب اللي وين اللي حبيبها Bon, c'est de la faute de Jounès si on a du retard. Vous saurez. Vous pouvez appeler Jounès directement. Pour le snack food aussi de la semaine dernière. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. Yeah, Psartek Jounès. Ouais, il s'est passé un truc. Lourdeur. Il s'est passé quoi là? Hein? Pourquoi on est en retard comme ça? Ah, je peux pas te raconter. Mon ordi, il a vu qu'il y avait Mèche. Il s'est dit... Mèche! Jean Mèche! Méchant! Vas-y. Il a abandonné. Ouais, la 25e, on est là, comme d'hab, tous les jeudis, de 22h à minuit. Donc ce soir, c'est l'émission spéciale Napalm qui est avec nous, qui a fait la route. Big up. Big up Napalm, il est arrivé avec les poteaux. D'ailleurs, si vous voulez vous présenter, les gars, n'hésitez pas, le micro est ouvert. Merci à vous. Merci de nous accueillir. Il y a toute l'équipe qui est là, qui suit le bail tranquillement. Si. Ouais, Chao, ça va ou quoi? Ouais. Bah écoute, on essaye d'aller. Hein, encore une fois, concours de circonstances. On va faire encore un gros big up à la famille de Gras, tu vois. Normal. Ah oui. Et voilà, on pense fort à vous, voilà, pour ceux qui étaient là, voilà, gros courage aux proches, aux, la famille, les amis, tout ça. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Yes. Donc ce soir, émission spéciale, Napalm, je vous explique un peu le déroulement, c'est du classique 4-4-2, hein, comme d'hab. Petite interview, on va diffuser tes morceaux. Yes. On finira par un gros freestyle. Et puis anthologique jusqu'à 6h du matin. Ah, après ça par contre ça faut après, voir ça avec Rizzo. C'est chaud ouais, aussi. Après débrouillez-vous avec Rizzo, tu vois, pour la deuxième heure. Voilà, il a sorti ses bras, il a sorti ses pecs. Il est posé. Tranquille. Ah, moi c'est la première fois qu'il se fait. Tranquille. Yes. Bon, Jojo, on lance ça, tu nous lances un petit jingle puis c'est parti. Un autre là? Bah ouais, direct. Ah gros, je vais te faire payer à la fin. Hein. C'est bon les jingles. Ah, moi je veux le dire. On est pendant le ramadan, donc il n'y a pas de sauce gnocchmam là. Ah non, là c'est sauce salive, frère. T'es un gamin. C'est un gamin. Une sauce halila, j'arrive pas à le dire. 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. Ok. Halila. Comme on dit au Vietnam, ouais. Si. Non, bon, allez, soyons sérieux, on se met dedans. Ouais. Donc, Napalm, j'avais un petit truc à te faire. On a un rituel à chaque début d'émission. C'est que tu nous fasses ton propre jingle, tu vois. Donc, en fait, là, j'ai fait exprès, tu vois. Il va rebalancer le jingle, t'écoutes. Et puis après, on a cappella. Ouais, c'est mon DJ. DJ Jounès. Mais ouais, on te balance le jingle. Et puis après, on te laisse quelques secondes pour poser tes voix, en fait, parce qu'après, on va se servir des voix de nos invités pour refaire des jingles. Okay, vas-y, tu vois. Ready? Yes. Ouais, vas-y, je te rebalance ça. C'est bon, je suis à peu près. Sauce salive. Radio. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. C'est un peu trop, là. Ouais, juste un petit big up, un truc. Un petit présent. Big up, gros big up à la Radio Sud Besançon 101.8 FM, animé par Chao et Jounès Rizzo en deuxième partie de soirée. Aïe! C'est lourd, c'est... voilà, tu vois. Enlève c'était... Rizzo par contre. Non, c'est pas bon. Pas partie de l'équipe. Ok, alors Napalm, yes. Je voulais savoir. Si je veux te retrouver sur les réseaux, ce soit Snap, Insta, YouTube. Snap, Insta, c'est Napalm-du-bas officiel. Et vous pouvez me retrouver sur la page officielle Facebook aussi, Napalm Music. Napalm Music. Ouais, et vous trouverez toutes les infos aussi sur la page officielle YouTube, Napalm Officiel, pareil. Ok. Vous trouverez tous les clips, toutes les vidéos, tout ce qu'on fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est N-A-P-A-L-M. Exactement. Voilà. On n'a pas le même objectif. Voilà. Yes. Yes. Ok. Tu voulais dire quelque chose, Jonas? Ouais, je voulais te demander un stylo en fait. Ah, ok. Tu veux pas avoir de secret professionnel, toi? Génial. Hein, tu vois. Hop. Voilà. Merci. Ok, donc Napalm, ce soir, jusqu'à 23h et plus si affinité, ce que je propose, c'est de passer un premier son. Vas-y. Donc moi, je voulais passer le son sans plomb. Voilà, ce que je voulais, c'est un peu... C'est de là que tout est parti, on va dire, les grosses scènes et tout. Et wow. C'est un son que je kiffe, c'est du kickage non-stop. Et l'intro du premier projet, ça fait plaisir, vas-y, balance sans plomb, plein d'essence, big up. Yes. On écoute ça. J'ai cru, juste attends, avant que tu balances, j'ai cru qu'il allait dire c'est de là que tout est parti, le mouvement des gilets jaunes. Sans plomb, plein d'essence. Sans plomb, ah, c'est la Zermi. Pour ce gilet jaune. Je l'ai senti comme ça. C'était mon projet, hausse des tarots. Force. Yes. Ramener le matériel. Napalm, sans plomb, putain, du coup, il m'a troublé. Sans plomb, plein d'essence. Sans plomb, gilet plein d'essence. Jaune. C'est parti. Wesh, faudrait que ça paye car là je me fatigue. En pleine galère, un petit salaire, mon compte bancaire n'a rien de pratique. C'est tactique, je toc toc, le tic tac n'a pas le temps. Je pratique sur bloc, notre esprit trappe, les balkans sont loin. J'aimerais partir à l'aise, c'est que partie remise. Conscient qu'il y a un malaise quand je récite vos devises. Le vice prend le dessus et je me sens blessé. Je trouve aucune issue mais j'avance pas la tête baissée. Oppressé par tout ce système à la con. Stressé, je suis pas là à croire ce que ces gars là racontent. Aucun acompte, aucun pactole. Miss, je suis pas tactile. Va donc mettre du biac dans les réviser ton bac. Au stylo black, réveillé que quand le pilon claque. Si j'attendais sur les clics, les réseaux me rendraient psychopathe. J'craque plus de bif à la roulette. Le croupier m'a roulé, avagé sur une brouette à deux doigts de m'écrouler. Ouais, y'en a qui me parlent d'équipe. Genre ça veut viser la lune, mais dès le départ s'éclipse. Faut que je mette le plein d'essence. Après tant d'aisselle, cerveau part dans tous les sens. Quand je repense à certains décès, j'suis bien nulle part. Tout comme un foutu parasite. Nique toi et ton CDI, j'veux être reconnu par la zic. Car je n'aime que la scène, les freestyles à la chaîne. Tellement possédé par ça que j'ai même un petit mic à ma chaîne. L'impression d'être une machine. Je reprends mon souffle, le rap c'est pas de la magie. Quand ton gratte on souffre, on fait pas semblant. T'es fou, les sous, je ne les sens pas. C'est flou, le flouze me pousse à faire les 100 pas. Un rythme pierre nos samplés. Moi et mes semblables, on vise un avenir simple. Et pour la scène, donne 500 balles et je m'en balèque. De toute mission au taf, au mécanique, faut que je m'arrête. Vouloir des prods aux effets métalliques, faut que je me mette à lire. Mon esprit s'en est allé. J'écris pour me rétablir, je parle mais sans m'étaler. Oh, fais pas ton cirque, ça fait un bail que je suis dans le circuit. Je veux ma part du gâteau, j'ai la dalle, remballe ton biscuit. L'avancée est discrète, qui soutient dans le district. Mon attention est distraite face au contrat de la district. Oh, faut que je mette le plein d'essence. Faut que je mette le plein d'essence. Faut que je mette le plein d'essence. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-sud.net 101.8. Yeah, la 25ème, on est toujours là, ouais. Jusqu'à minuit, émission spéciale Napalm ce soir. Ouais, ouais, ouais. Donc le son sans plomb, tu nous disais, c'était un peu le début d'une, on va dire, d'une nouvelle aventure, c'était quoi? Ouais, voilà, c'est une nouvelle aventure. Pour ceux qui ne savent pas, avant je m'appelais Néfaste. Bon, ça part de loin, je suis parti d'un groupe, notamment là, il y a Dizda qui est là avec moi ce soir, ça fait trop plaisir. Aïe, c'est... du bruit pour Dizda. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Aïe, lourd. L'addiction, ma gueule. On avait sorti un projet et tout à l'époque, il y en a, ils peuvent le choper sur internet. Et ouais, du coup, il y a eu un gros chamboulement néfaste. Ça s'est transformé en napalm parce que les choses, elles ont commencé à évoluer. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a un néfaste qui est basé sur Paris. Attends, je vais te couper. Tu peux nous laisser faire d'autres trucs ou pas? Tu balances les trucs. Ben, je t'informe comme ça, après tu seras encore mieux informé. Bon, vas-y, tu je vois. Vais chez WAM. Bon, du coup, il y a déjà la moitié des questions qui sont. Ouais, vas-y, c'est bon. Et du coup, voilà, on en est là. Après, c'est vrai que c'est un peu chiant, tu vois, d'en reparler encore maintenant. Ouais, j'aimerais bien passer le truc, parce que pour moi, c'est juste un blaze. Ok. Et c'est une nouvelle aventure qui commence, et voilà. C'est quoi la question de reparler de quoi? Du blaze néfaste. Ah, ok. Tu vois le bail. Okay. Ouais, parce qu'il y a néfaste sans E, sur néfaste Paname, avec un E. Et il y avait trop d'ambiguïté. Et moi, personnellement, sachant que lui, il avait plus de parcours. Je pensais que c'était plus judicieux, tu vois, que ce soit moi qui aille sur un autre domaine, tu vois. Okay. Tout simplement, en fait. Ok. Voilà, voilà. Très bien. Et là, on est là, plein d'essence, sans plomb. Et c'est là que ça a commencé un petit peu les scènes. Ok. En mode gilet jaune. Pour refaire un peu l'historique, on va dire rap et en dehors du rap, déjà, t'as quel âge? 28 ans. 28 piges. Tu rappes depuis quel âge, là? Depuis 13 ans, à peu près. Ah ouais, ok. Ouais, d'accord. 13-14. Ok. Max 14. Premier son, premier clip, c'était... Premier clip, il a mis du temps à venir. Ouais. Mais parce que pas les moyens, pas forcément les connaissances avec qui on était, tu vois. Mais sinon, les premiers sons, ça a commencé très tôt, ben, avec Dizda. On a gratté, on était... Franchement, ben, voilà, 13-14 ans. Après, c'était n'importe quoi, tu vois, un peu du Nick La Police et tout. Ouais. Sans thème profond, sans autre chose. Moi, c'était les débuts, quoi. Mais c'était un besoin, surtout, tu vois. Okay. On a kiffé ça ensemble, on avait les deux besoin de faire ça. Et puis, du coup, on s'est lancé là-dedans depuis. Impossible d'en sortir. Là. Ok. Voilà. Ok. Et tu viens d'où, du coup? Audincourt. Audincourt. Secteur Montbéliard. Ok. 25. Yes. Voilà. Aïe, ah, big up à tous les incustes qui ont fait le déplacement ce soir. Faites du bruit. Aïe. La peuge. On est là. La peuge. Les peugistes. T'inquiète. Si. Il y en a beaucoup qui viennent de là-bas quand même, quand tu regardes. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Excuse, en vrai, on a eu... C'est pas concerté. On a eu 90, 25... Bientôt, on aura 70. Il y a une belle palette aussi, ouais, là-bas. Ouais. Grave. On a eu Thanos. On a eu BRK. Aïe, big up à eux. C'est des bons. Ouais, non, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. C'est des très, très bons. Grosse dédicace à eux, d'ailleurs. Mais yes. Tu clips quand même beaucoup sur Besançon, toi. Ouais, notamment grâce à mon fameux Mesh. Elle Mechou. Mesh qui est là ce soir. Elle Mechouito. Mesh, c'est une pièce maîtresse. Une pièce maîtresse. Mesh 13, exactement. Voilà, je te la donne, cadeau. Voilà. Si. Bah, big up à Mesh. Gros big nous, up à Mesh. D'ailleurs. Gros big up. Photographe, clipmaker. Tout. Body painter. Aïe. Tous les trucs en R. Qui pète sa mère. Aïe. Si. Big up. Moi, j'avais une question justement sur le blaze. Je sais que, bon, c'est bête, tu vois, mais. Ouais. Napalm. Pourquoi Napalm? Ben, on en a discuté avec l'entourage et tout. Et c'est vrai que quand je monte sur scène... Tu m'as dit quoi? Un 995? Pas cet entourage là, un autre. Et ouais, du coup, ce qui reflétait, en fait, c'était un peu ça. Tu vois, dès que je prends le mic sur scène, ça y est, en mode furieux, ça enflamme tout. On aime bien que ce soit le feu partout. D'accord. Et Napalm est ressorti. Ça aurait pu être chauffage, hein. Aussi, ça aurait pu être chauffage. Ouais, mais c'est vois, moins, tu vois, comme percutant. Blast. C'est ouais, moins voilà. Chauffage est là ce soir, c'est chaud. Napalm, c'est chaud ou pas? Ça passe mieux, tu vois. Donc du coup, Napalm, c'est resté. Et puis, ok. Parce que du coup, je sais que dans l'armement, le Napalm, inventé en 1942, tout à fait. De l'essence gélifiée, habituellement utilisée dans les bombes incendiaires. Tout à fait. Sa formule est faite pour brûler à une température précise et coller aux objets et aux personnes. Ouais, c'est donc pas tu top. Te définis comme cette c'est arme. Pas top. On va imaginer ça avec le son, en fait. Tu vois. Faut pas le laisser trop près des personnes, il les colle comme ça. Ouais, j'aime bien. Et il les enflamme. Corps à corps. Bizarre. C'est chelou, cette histoire. Ok, très bien. Yes, donc t'as eu d'autres blazes, néfastes, ouais. On tourne cette page. Voilà, c'est terminé. Pas trop quand même. Un petit peu quand même. T'as été un peu en groupe, un peu en solo. Ouais, j'ai été beaucoup en groupe. Ouais. Et après, j'ai fait que du solo. Ok. En fait, j'ai tout commencé en groupe, j'ai tout fait en groupe. Après, en groupe, l'organisation, c'est compliqué. Tu vois, les gens, ils n'ont pas les mêmes envies, ils ne vont pas vers les mêmes directions, c'est dur de travailler. Mais moi, j'étais vraiment à fond là-dessus, à fond. Et j'ai dit, vas-y, faut pas trop je perds de temps. Et puis, okay. Voilà, tout le monde un peu avait sa vie à faire. Et puis voilà. Et vous aviez fait des projets, tout ça? Ouais, il y a un projet disponible, ouais. Il s'appelle Dos au mur. Okay. Il a été fait par Nino Brown, beatmaker. Gros big up à lui s'il nous écoute. Il y avait Rico sur le projet, il y avait Dizda, il y avait moi-même. Et franchement, c'était une dinguerie ce projet. On a tout fait avec Nino Brown. C'est sûr. Et c'était lourd, très lourd. Yes, très bien. Et en dehors du rap, du coup, parce que nous, on parle beaucoup rap, mais... En dehors du rap, ça charbonne comme tout le monde, je pense. Je sais pas. Après, moi, tu vois, je suis obligé. J'ai un petit garçon. Ok. Oh, bien, oui. Il a 15 mois maintenant. Félicitations. Merci, un petit bonhomme. Il est trop chou. Il me fait évoluer, il me donne envie. Du coup, obligé d'avoir un taf à côté et puis d'essayer de gérer la musique, c'est ça qui est chaud. Plus chaud. Okay. Foot plus jeune. Parce que j'ai entendu dire. Plus jeune, t'as vu 5 ans, tout ça. Tu t'es fait les ligaments comme avant. Ah, presque, presque. Tu t'es fait les ligaments. Fissure de vertèbre. Ah, presque. Okay. Voilà, presque. Non, ça jouait un petit peu, ouais. Centre de formation à l'époque. Et puis, une fois que tout ça c'était fini, en fait, ça y est, j'étais dégoûté du foot, mec. Le rap, il a pris le dessus, ouais, sachant qu'avant, j'écrivais un petit peu, tu vois, mais c'était pas, ça prenait pas le dessus. Okay. Mais après, le rap, il a pris totalement le dessus. Tu vois. Ok. Voilà. Depuis le foot, franchement, c'est pas, je m'emballais un peu, mais un petit peu. Ouais, et puis t'as d'autres choses à faire. Voilà, quoi. J'ai d'autres choses à faire. J'aime bien surtout profiter de la vie. Y'a plus rien à supporter là-bas aussi, surtout. Aussi, ouais, aussi. Ouais. Franchement, big up. Attends. Définitivement. Je m'en fous, nous on est de la région, ma gueule. Quoi qu'il en soit, big up aux Tribunes Nord. Bloc C. On soutient FCSM, quoi qu'il en soit. Faites du bruit. Aïe. Au moins, on aura appris qu'il y a des hooligans au Stade Bonal. Hey, on est fiers, mon balai. Voilà, c'est. Bellec. FC Sochaux. Okay. Non, mais voilà, j'espère qu'ils vont se maintenir en tout cas. Ouais. Pour parler foot vite fait. Et force à eux. Voilà, c'était la petite dédicace placée pour le FC Sochaux, mon délire. Ok. Série, film. En série, fait, on essaie de décrire. Moi, j'étais à l'époque Walking Dead, ouais. Les bails comme ça. Mais pas plus que ça. Sans franchement, plus. Je suis tellement pris par la vie que okay. pas trop devant la télé. Yes. Du point spoiler qui allait tuer Rick. Voilà, exactement. T'es mauvais, t'es mauvais. Tu vois, il n'y a pas tellement de choses qui m'inspirent. Gamin. Ok, bon, avant de continuer notre petite question, ouais. Je voulais passer deux sons. Il y avait le freestyle Mauvaise Direction. Yes. Et direct dans la foulée, Incohérent. Yes, ok. Donc je Attends. Sais que... Oui. Ouais, je te coupe comme ça, j'ai rien à foutre. En fait. Dis-moi. J'ai des questions pour Napalm, du coup, c'est pas pour toi, donc je me retourne vers lui. Est-ce que tu sais dans quel pays tu peux faire le moins carrière? Dans le monde. Dans le monde? Ça a rapport un peu avec ce qu'on a dit. Je sais pas, en Irak. Moi, je sais déjà. Dans un pays où tu y vas en mode Napalm. Non, ben en Indonésie, un truc comme ça, au Vietnam surtout, Vietnam, les bails comme ça, tu vois, c'est chaud. Je pense, même c'est chaud d'y aller en vacances, tu vois. Oh non, Vietnam. Avec un t-shirt napalm, c'est compliqué. J'y ai pensé. En plus, j'y ai pensé, gros. Je me suis dit, c'est chaud quand même d'y aller. J'y pense quand même, tu vois. Ça, c'est tu veux la bagarre, si tu veux. Et je veux pas, t'as vu, justement. Je veux pas qu'ils confondent ça. Ok, ok. Justement. Non, mais c'était, je pensais à ce pays aussi. Tiens, je vais juste te faire écouter un petit truc. Tu peux mettre ton casque. Hop. Tu vas me dire si tu connais ça. Excusez-moi, les autres dans le studio, vous n'allez pas entendre. Comment ? Le mal entre les pensées des petits lions, d'emblée les crocs, de l'entendre les temps de blé, ne pas sonner, commence à me saouler. Les âmes sous les charmes, tous les gardes, tous les bars, les fous de l'État. Les armes et parle de pas faire couler de l'art. Baby, c'était le fer dans la chair et le flair. Frère, y'a rien de fort là-dedans. Précipice, tire, scara, précipice, dire que ce qu'on apprécie. Vas-y, je vais pas te faire écouter tout le couplet, frère, parce que le frère il débite, il rappe pendant 15 minutes. Tu sais qui c'est? Non. Non, il s'appelle Napalm, le mec. Ouais, Napalm. Ça, je sais pas. Je sais juste qu'il y a un groupe de métal. Ouais, il y a un groupe de Napalm Death. Napalm Records. Mais ça, non, je connais pas du tout. C'est pas un nom ancien, c'est dans la BO des Rivières. Et pourtant, ouais, j'avais un peu cherché, mais non, je connais pas. J'en ai trouvé un. Okay. Ouais. Ça kick, hein. Ça kick sale. C'est à l'ancienne, hein. Ouais, ouais, de ouf. En 2000, un truc comme ça. Ah, mais c'est. Putain, t'as trouvé ça où? YouTube? Bah, j'ai cherché, hein. Napalm, j'ai cherché des trucs. Elle j'ai cherché ton Skyblog, mais bon, d'habitude, on va. Oh! EgoStreet.skyblog.com. EgoStreet. EgoStreet.skyblog.com. Yes. Ok. Je, voilà, j'ai fini. Moi, je tombe pas dans ton piège là. Je sais que t'es un grand menteur. De quoi? Vas-y, freestyle, mauvaise direction. Et le son incohérent, puis après, tu nous parleras des sons directement. Vas-y. Comme ça, on va reparler de cet épisode là. Yo, yo, yo. On n'a pas le même freestyle. Mauvaise direction. Freestyle, j'attendais que ça, je sais que 2-3 gars vont être vexés. Faudra me dire pourquoi vous rappez comme ça. Grâce à vous, je suis beaucoup moins complexé. Trap, rap, hip hop, c'est la même. Mais pour moi, ce qui compte, c'est la rime. Je suis peut-être un peu trop solennel. Et ça, ça annonce pire, je te l'affirme. Les nouveaux sous s'en font et me font bader. Un peu comme le daron t'arrête dans Breaking Bad. Tellement de choses que je n'aime pas regarder. Je n'ai pas dit bonjour, dis-moi ce que va me faire val. J'aime pas les pouffes et les connasses qui braillent. Ça fait mal au cœur devant un clochard qui crève. Repéré par toute la flicaille qui passait devant lui en espérant qu'il grêle. Jacques Brel était plus hard que moi. Par rapport à Diodo, j'ai mis plus de quenelle. Crois pas que ça clash, que c'est hard de braquage. Insensibilité dans les bras des femelles. Je pète la forme, rien n'est en place. Toujours la même envie depuis 2010. Certains hommes pleins de fantasmes. Moi j'aimerais seulement pouvoir vendre 2000 disques. Ok. Mauvaise direction, mauvaise direction, mauvaise direction. Plus rien n'est cool, ça part en couille. Les jeunes écoutent les One Direction. Mauvaise direction, mauvaise direction, mauvaise direction. Ça serre les coudes quand tout s'écroule. L'état peut truquer les élections. Wesh ma gueule, traîne pas dans les parages. En ce moment je laisse parler la paresse. Je fais pas semblant, crois-moi j'ai la rage. J'écris jusqu'à ce que les démons apparaissent. C'est la hesse, depuis 12 piges. J'aime le contraste entre le sang et la neige. J'aime fou le bordel dès que tout se fiche. Dans les clips on s'en fiche, tu peux demander à Mèche. Neige pas raison, on fait un tour par ici. Loin de Paris centre, tout paraît sombre. Je perds la raison, la rime n'est pas récente. Je donne pas d'exemple, je laisse parler les ombres. J'ai de la rage. Bloqué dans mes couplets, casse pas la tête si t'as des soucis dans ton couple. Faut que je m'arrache là, je suis dégoûté. Va écouter comme il faut que je sois solo en groupe. Tout ça ramène, ils font de la peine. Je fais que de kicker sur le tempo. En vrai, c'est pareil, mais fier de moi-même d'avoir quitté le bendo. J'emmerde vos taf, ma vie, c'est la scène. Seul, je me suis déjà niqué le dos. Donc, anti-système, leur semblant de game rappelle juste la Nintendo. Mauvaise direction, mauvaise direction, mauvaise direction. Plus rien n'est cool, ça part en couille. Les jeunes écoutent les One Direction. Mauvaise direction, mauvaise direction, mauvaise direction. Ça serre les coudes quand tout s'écroule. L'état peut truquer les élections. Au fond de moi-même, je sais que je suis qu'un artiste. Je vais mal quand je pense à la retraite. Les patrons me saoulent, certains propos m'attristent. Comme une pute à Maastricht, tous les enfants qu'on maltraite. Ma vie c'est pas matrice, pourquoi j'ai le trac? Je t'assure que je me balade avec aucune actrice. Bienvenue dans la matrice, 100% vrai rap. Je veux faire ça de ma vie, ce n'est pas un caprice. J'ai cette vision atroce, qu'est-ce que je fais là? Je débarque sur scène avec un projet de fêlé. Je trouve de l'inspi même lors d'une fêla. J'en dirai pas plus, tout ça un secret scellé. 5 LCD. Vas-y lâche ton Zéo, pas besoin de CB comme un t-shirt Célio. Pas pressé, l'album est dans le cello. Je fais des conférences en live, ne me parlez pas de télo, hein. Mauvaise direction, mauvaise direction, mauvaise direction. Plus rien n'est cool, ça part en couille. Les jeunes écoutent les One Direction. Mauvaise direction, mauvaise direction, mauvaise direction. Ça serre les coudes quand tout s'écroule. L'état peut truquer les élections. Mauvaise direction, mauvaise direction. Mauvaise direction, freestyle, mauvaise direction. Mauvaise direction, mauvaise direction, mauvaise direction. La 25e, c'était le freestyle mauvaise direction. On enchaîne direct avec Incohérent. Si vous voulez retrouver le clip, est sur sa chaîne YouTube. La cohérence d'un discours dépend de celui qui l'écoute. Wesh, ouais, j'ai trop de haine. Marre de me forcer chaque jour à sourire. Je me barre la fusée, carbure au pollen. Tu l'as tant aimé, t'attends de l'avoir souffrir. Hein, frère, c'est quoi le blême? Je le vois que ton moral s'abîme. Yo, On n'a pas fait ça le plein. Incohérent, léger, c'est fait Sabine. La serveuse du bar était open. Le gars de la technique a dit on ken. Et moi, comme d'hab, j'étais tout seul. Je faisais mes balances à base d'ayouken. On crame le mic à chaque occasion. J'utilise plus de mots que je peux caser. Les petits spavanes en grosse location. Les grands veulent effacer leur casier. Rien d'illicite à la casa. Deux, trois bouteilles et quelques pilons. J'ai de la mif à mes knes à casa. J'ai des incus qui font du ski de fond. Incohérent, intolérant. C'est la vieillesse qui me rend colérique. Comme un zombie tel un bonhomme errant. Je pourrais vous dévoiler qui va tuer Rick. Je vais pas vous spoiler maintenant. Faut vous laisser patienter. C'est vrai que j'ai plus 20 ans. Et chaque jour je me nique la santé. Je préfère l'hiver au printemps. Je m'inspire des maisons hantées. Tu crois que je vais aller devant le cercle gueuler. Laissez-moi entrer. Je m'en bats les couilles, je suis dans mon del. Et nique sa mère si personne me remarque. Ma femme Noam saute à l'hôtel. Attendre sagement que je rentre du Dutch Mark. Je suis pas prêt de faire l'accord hôtel. Je m'en tape tant que la famille dort au calme. J'ai aucune tasse pée dans mon tel. Je respire seulement en haut d'une montagne. Incohérent, j'ai des propos qui choquent. J'aime ce qui est simple et ce qui est chic. C'est vrai que mes couplets shoot en one shot. On s'arrangera autour d'une plaquette de shit. Certains m'ont dit il est beau ton t-shirt. Merci c'est 15 balles passe à la boutique. J'arrive au studio en claquette en short RGT aux manettes et mèche et ton clip. Incohérent, je veux être reconnu mais ne pas être placé comme célébrité. J'ai choqué l'écran, j'ai la hargne et le cran. Je ne passe pas à l'écran, je dis trop la vérité. Le rap indé en vrai ce n'est qu'un. La cohérence d'un discours dépend de celui qui l'écoute. Wesh, ouais, j'ai trop de haine, marre de me forcer chaque jour à sourire. Je me barre la fusée, carbure au pollen. Tu l'attends aimé, t'attends de l'avoir souffrir. Hein, frère, c'est quoi le blême? Je le vois que ton moral s'abîme. Yo, on n'a pas fait ça le plein. Incohérent, léger, c'est fait Sabine. La serveuse du bar était open. Le gars de la technique a dit on ken. Et moi, comme d'hab, j'étais tout seul. Je faisais mes balances à base d'ayouken. On crame le mic à chaque occasion. J'utilise plus de mots que je peux caser. Les petits spavanes en grosse location. Les grands veulent effacer. C'est leur casier. Rien d'illicite à la casa. Deux, trois bouteilles et quelques pilons. J'ai de la mif à mes knes à casa. J'ai des incus qui font du ski de fond. Incohérent, intolérant. C'est la vieillesse qui me rend colérique. Comme un zombie tel un bonhomme errant. Je pourrais vous dévoiler qui va tuer Rick. Je vais pas vous spoiler maintenant. Faut vous laisser patienter. C'est vrai que j'ai plus 20 ans. Et chaque jour je me nique la santé. Je préfère l'hiver au printemps. Je m'inspire des maisons hantées. Tu crois que je vais aller devant le cercle gueuler. Laissez-moi entrer. Je m'en bats les couilles, je suis dans mon del. Et nique sa mère si personne me remarque. Ma femme Noam saute à l'hôtel. Attendre sagement que je rentre du Dutch Mark. Je suis pas prêt de faire l'accord hôtel. Je m'en tape tant que la famille dort au calme. J'ai aucune tasse pée dans mon tel. Je respire seul en haut d'une montagne. Incohérent, j'ai des propos qui choquent. J'aime ce qui est simple et ce qui est chic. C'est vrai que mes couplets shoot en one shot. On s'arrangera autour d'une plaquette de shit. Certains m'ont dit il est beau ton t-shirt. Merci c'est 15 balles passe à la boutique. J'arrive au studio en claquette en short RGT aux manettes et mèche et ton clip. Incohérent, je veux être reconnu mais ne pas être placé comme célébrité. J'ai choqué l'écran, j'ai la hargne et le cran. Je ne passe pas à l'écran, je dis trop la vérité. Le rap indé en vrai ce n'est qu'un. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Vas-y, vas-y, c'est pas assez compliqué. Chelou. Allô, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Je ne comprends pas. Il y a eu deux coupures. Il y a eu des coupures de son. Je sais pas, je sais pas. Ce n'est pas cohérent. Ah, c'est incohérent, ma gueule. C'est incohérent. Faudra aller pêcher le. Donc je suis désolé, on n'a pas pu diffuser du coup le son jusqu'à la fin. Je ne sais pas pourquoi. C'est une feinte. Il veut créer le buzz. Voilà. Le donc buzz. Du coup, il veut créer le buzz. Pour ceux qui veulent, du coup, il y a le clip sur ta. Exactement. Sur ta chaîne YouTube, chaîne Napalm YouTube. Music. Voilà, réalisé par Mesh Photographique, elle a actuellement. Il fait du bateau sur le bitume. Il fait du bateau sur le bitume. Ouais, c'est exactement. Vrai. Exact. Incohérent. Exact. Exact. Exact. Avec les visages qui changent et voilà. Tout là. Si. J'aurais pu te donner quelques idées pour ce clip. Quand on parle d'incohérence. Ouais, voilà. En fait, ça a été un peu particulier. Si tu veux que je t'en parle d'ailleurs, parce que Mesh, il a pété son drone pendant le clip. Oh merde. Et du coup, ça l'a retardé grave de ouf. Et on l'a balancé un peu avec que ce qu'on avait, tu vois, alors qu'il devait y avoir une autre partie en fait de Incohérent, okay. Tu vois. Okay. Ça devait partir dans un autre délire, mais vu que le temps est passé trop, fallait balancer le son et puis on a dit vas-y, on a assez d'images pour le lancer, donc du coup on l'a lancé comme ça, tu vois. Ok. Mais en thread, maintenant que tu me dis ça, je me dis quand même que le clip, il est pas allé jusqu'au bout en vrai. Ben c'est vrai, même l'entourage et tout, enfin l'entourage, pas un 995, ouais. Tu vois, mais tous mes incus, si tu veux savoir, même eux, en retour, ils m'ont dit c'est dommage parce qu'il manque un truc à ce clip. Et nous, c'est ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un grand changement, tu vois, que ce soit vraiment incohérent. Mais on n'a pas pu. Parce que bon, faire une partie drone, tu vois, et l'autre partie, tu ramènes pas le drone. C'est pas que c'est bizarre, mais à l'image comme ça, ça fait un peu chelou, tu vois, le changement. Ok. Voilà. Bon, ben, Mesh, j'espère que tu pourras. Mais le drone va bien. Ok. Ah, bon, bah, c'est bon alors. Il est revenu à nous. Il se porte bien. Tout va bien. Tout va bien. Rien de cassé. Méchoué. Ok. Bon, on va passer dans la partie un petit peu plus influence, point de vue. Ok. Peut-être même anecdote. D'accord, ça marche, pas de soucis. Donc, comme ça, au tac au tac, si je te dis trois artistes références pour toi, qui sont-ils? REDK, Cynic et Scylla. Ok. Et vraiment à l'ancienne. REDK. Gros, j'arrive pas à me décrocher. Hein. Franchement, j'ai du mal. Par rapport à ce qu'on a d'habitude, gros. Moi, il y a des gens. Franchement, j'ai écouté des fois l'émission et tout, et il y a des gens que j'ai découvert découvert en vous écoutant. Tu vois. C'est pas que je suis fermé, pas du tout. J'écoute de tout, mais tant que ça me percute pas, que quelqu'un me présente pas le truc, ça me percute, je vais avoir du mal. Après, les artistes que j'ai, c'est vraiment, je retrouve tout en fait. Tu vois, chez REDK, je retrouve à la fois le côté new school, mais conscient. Chez Cynic, c'est la conscience pure et puis ça kick. Et chez Scylla, c'est la poésie, tu vois. Et ces artistes, à la fois, ils m'inspirent et je kiffe ce qu'ils font. Yes, ok. Voilà. Donc REDK, Cynic et Scylla. Ouais. Ton morceau du moment là, le morceau que tu saignes là en ce moment. C'est dur parce que tu sais quoi, j'écoute pas beaucoup de musique en ce moment. Écoute, qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je kick? Je kick pas forcément un seul morceau. J'écoute un peu le projet de Lefa. Ok. Le dernier projet, j'aime bien. Qu'il a sorti comme ça là. Ouais. Okay. C'est pas mal. J'écoute beaucoup de freestyle, les derniers clips de REDK notamment. Ce que Lacrim a sorti un petit peu aussi. Mais sérieusement, je me penche pas plus que ça en ce moment sur le rap, sur ce qui se fait. Et c'est compliqué le rap en ce moment, mec. Bah, est-ce que tu t'y retrouves du coup un peu dans le rap actuel ou... Moi, je m'y retrouve pas. Je sais que personnellement, moi, je suis pas dans le rap actuel, tu vois. J'ai encore un rap assez pas à l'ancienne, mais assez conscient ce qui se fait plus maintenant. Après, le rap a pris des proportions énormes aussi. Y a beaucoup plus de styles de rap en fait. C'est même plus du rap. Le rap fait partie du hip-hop en gros. Et dans le hip-hop, on a ramené plusieurs genres qui s'amènent à ça, quoi. Puis ça fait. Ben, c'est pas plus mal, tu vois, parce que ça ouvre en fait le rap à beaucoup de monde. Non, mais qui t'aurait dit à l'époque Soprano, des psychiatres? Qui fait des jeunes de 11 ans, tu vois, des concerts. À un moment, il faut qu'ils mangent. Hein. Exactement. Mais même pas que ça, je trouve que c'est bien aussi dans certaines démarches. Dans d'autres, c'est pas que j'adhère pas, mais je ferai pas connaître ça à mon fils, tu vois. Mais là, il m'amène tout droit à ma question favorite. Tu es patron de label, Def Jam Besançon. Voilà, yes. Je viens te voir. Tu viens de reprendre le FCSM. Miguel, l'oxyde, mec, gros. Autant tendre la main à tout le monde. J'avais dit Mbappé cet été, t'inquiète. Tac, je viens te voir. Je te dis, écoute, Napal, je te fais signer. Je te donne une avance de 1 million. Yes. Mais tu fais plus du tout ce que tu fais. Tu me fais du cobaladé. 1 million. Tu prends pas. Non, mais tu vas apprendre. Il va apprendre. Napalm, ça bah après, franchement, tu sais quoi, regarde, je vais te répondre cash. Si c'est pas moi qui fait, sérieux, je m'en fous. Moi, perso, c'est moi, en fait, j'ai du mal à moi changer mon rap. Après, ce que les autres font, ça les regarde, gros. Si moi, je peux faire du billet, bien sûr, je prends le billet. Tu prends le billet? Tant que c'est pas moi, ça me regarde pas. C'est pas moi qui m'affiche, c'est pas moi qui chante. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, ça me rapporte l'argent, moi. La question, c'est, je viens te voir, moi, je te dis... Je te signe. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je veux que tu rappes comme Kobalade. Ah ! Là, ça change. Un million? Ouais, un million. Cash. Et si j'arrive pas? Oh, non, mais rien. Non, mais ah. Tu vas y arriver. Tu vas y comment arriver. Tu sais je vais y arriver? Tu vas y arriver. Je te dis, soit tu cobalader, soit tu me fais de la zumba. Moi, je te dis, regarde, donne-moi un million, je vais faire mieux que cobalader. Non. Donne-moi un million. T'inquiète, tu fais mieux que cobalader. Tu prends le milli? Ouais, mais tu rappes pas comme tu rappes là aujourd'hui. Je rappe comme cobalader? Ouais. La tête, je le fais. Ok. Pas. Il y a des gens. Non, après, sincèrement, il y a un enfant derrière, exactement. Les gens, ils disent tout, gros, il y a un enfant à nourrir. Après, je le fais. En attendant, avant que je le fasse, il y a moyen que je prenne ma famille à part et que je leur dise, écoutez, je vais faire un truc, franchement. Je vais avoir des locks. Il y a peut-être moyen. Il y a moyen, vous allez douiller niveau fierté, mais vous allez être dans un chalet au bord du lac à Annecy, t'as vu. On sera à l'abri, on sera à l'abri. D'ailleurs, attends. Parce qu'on est là, on s'enjaille. Je fais un gros big up à Madarone, elle écoute en ce moment. Easy, gros easy, big up à Madarone. Si. Je vais te reposer juste la question. Donc, les questions bizarres, là, tu les poses pas du non, coup. Non, parce non, que... bah, on fait une croix sur toutes ces questions bizarres. Merci d'avoir dit qu'avec ta daronne, du coup, on va barrer toutes les questions. Je vais te reposer la question autrement. Dans ta tête, t'as un rappeur local qui est foin, le plus flingué localement. T'en as un dans ta tête. Je te demande pas de dire son nom. Plus flingué? Ouais. Franchement, en fait, pour te dire, j'écoute pas le local. Bon, merci. Tu vois, j'écoute même pas le local. Ta question tombe à l'eau. Tombe à l'eau. Bref, voilà. Un rappeur foin, flingué, machin, il vient te dire, gros, Napalm, tiens, viens, on fait un son. Je te donne 2000 balles, on le fait, tu le publies, tu partages, quoi, comme si c'était ton meilleur son, tu vois. Ah, je vais pas te mentir, 2000 balles, c'est pas assez. Je vais pas te mentir, 2000 E, c'est chaud, tu m'aurais dit 20 000, je t'aurais dit peut-être, on peut négocier. Après, en attendant, j'ai quand même... 2000 balles? Non, 2000 balles, non. Non. T'es fou, jamais. Non. Juste pour un non, son? Non, non, non, juste pour un son, non. Non, je préfère attendre, t'inquiète, les 2000 balles, ils viendront autrement, y a pas de souci. Ok. Ok, ça marche, ça va pour moi. Du coup, je rebondis sur tout ce que vous avez dit. C'est vrai que tu te définis à l'ancienne, tu vois. Ouais. Tu te définis beaucoup enfin, à l'ancienne, tout ouais. ça. Mais pas que. Ouais, en justement, fait... mais pas que, ouais. tu vois. Parce que j'écoute les nouveaux trucs, tu vois. Et par exemple, le producteur, là, Nice Beats, là. Ouais. Moi, je connais parce que même moi, je kiffe bien ses prods, tu c'est vois. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Mais quand j'ai vu que t'avais kické sur du Nice Beats, je dis... Serait-il en train de changer de facette, tu vois? Il nous fait une parce blague. Que... Faut aller pêcher le projet. Ok. Tu vois? C'est mais pas... Après, c'est pas changer de facette en mode... Non, non. Ouais, voilà, tu vois. Après, moi, ce que je te définis comme à l'ancienne, pour moi, c'est que le rap, il est là pour transmettre des messages. Okay. Pas yes. pour transmettre de la connerie, tu vois? Okay. C'est-à-dire que ce soit une prod old school ou new school, c'est pareil. En fait, tu viens, tu donnes un message, parce que... Nous, on a été bercés par ça. Moi, ce qui m'a lancé, c'est que j'avais un besoin dans le rap, tu vois. C'était un besoin d'écrire vraiment. Et c'était pas juste, je vais me dire demain, vas-y, je vais faire du fric. Je vais prendre une prod, je vais mettre un vocodeur et je vais faire du rap. Moi, même si je vais pas dire même si ça marche pas, je continuerai éternellement. Mais c'est un amour du rap, tu vois le bail. C'est vraiment, moi, c'est une passion de ouf, tu vois. Yes. Ok, très bien. Putain. Ah. Putain. Putain. Bah non, d'ailleurs, en parlant d'amour du rap, là, j'ai vu que dans une semaine, tu faisais un concert chez nous à la Rodia. Aïe, j'espère voir du monde. Et qu'il y a quand même, en première partie, quand même, il y a Jazzy Baz et Davodka. Non, gros big up à Davodka, parce que c'est, j'ai fait pas mal de dates avec. Et c'est vraiment un bon gars. Il fait du bon son pour moi. C'est une lourdeur dans le rap indé. Et Jazzy Baz, j'écoute pas plus que ça ses morceaux, je l'ai vu en Rap Contenders uniquement, après j'ai pas suivi ses morceaux, donc je sais... Franchement, je vais pas te mentir, j'avais jamais vu trop de têtes d'affiche de Jazzy Baz. Ok. Je sais pas trop, je vais découvrir en même temps que tout le monde en fait, tu vois. Bah du coup, parle-nous un peu de ce concert, comment t'en as arrivé d'être là à la Rodia, de faire leur première partie, tu vois. Tu te débrouilles tout seul, tu fais comment? C'est assez compliqué, le rap c'est ça qui est chaud aussi, c'est qu'il faut toujours sortir de la nouveauté. Moi ça faisait un moment que je traînais le projet plein d'essence. Voilà, j'ai un bébé qui est arrivé entre temps, donc le rap ça a ralenti un petit moment. Mais il y a un projet qui va voir le jour bientôt. J'ai le plein. Ça c'est pas mal. plein d'oseille du coup. Et du coup voilà, il y a quelques bookers qui sont chauds à que je présente le nouveau projet sur scène. Okay. Et là, ça commence le 23 mai, jeudi prochain, à la Rodia, à Besançon, avec Davodka, Jazzy Baz, ça va être lourd. T'as un set de quoi, d'une demi-heure? 40 minutes. 40 minutes. Donc ce sera exclusivement nouveau... Plein de sens, c'est terminé. Ok, tu passes à quoi du coup? À la pièce. La pièce. La pièce, le projet, du projet ou... Bien sûr, le projet La Pièce, il arrive courant 2019. Il n'y a pas de date pour l'instant. On est sur la fin du projet. Il reste deux feats. Là, vu qu'on a tout bouclé, je peux vous annoncer les feats. Les feats, c'est Rizzo pour le côté face et Dizda pour le côté pile. Et le projet, c'est pile ou face. La moitié, on va dire plutôt old school. L'autre moitié, plutôt new school. Ok. Si on arrive à le sortir voilà, cet été, c'est parfait. On va tout faire pour en tout cas. Du coup, les deux vidéos que tu as sorties le 12 mai, c'est les deux couleurs, c'est bien ça? Ouais, voilà. En gros, c'est les deux couleurs qu'il y aurait dans le projet. Ok. Tu trouves pas dommage d'avoir sorti deux clips en même temps? Parce qu'il y en a un quand même qui prend moins que l'autre. Non, ça va. Je trouve qu'ils se tiennent encore un petit peu. Je savais qu'il y en allait un qui allait prendre le dessus parce que... En ce moment, c'est ce qui marche. Mmh. Mais l'autre fait plaisir aussi à certains, tu vois. Oui, et me fait plaisir aussi à moi. Du coup, je trouvais que c'était une bonne idée. On n'a jamais fait ça, tu vois. On a toujours sorti un clip, on attend, on en ressort un. Là, on va dire, on va en sortir deux, pile ou face. Okay. Allez voir ce que c'est, et puis vous nous donnez votre avis, et puis voilà, tu vois. Ok. C'est très propre. C'est quoi? Ah, voilà, en plus, ça te questionne. Non, mais. Non, c'est bien. Faut que je regarde. Non, je suis payé. Ça y est, vous en avez pensé quoi de ces clips? Ça va, Moi, je suis plutôt du côté. Pas le clip bleu, enfin, pas le clip dans les tunnels. Ouais. L'autre. D'accord. Au château de Joux. Exactement, ouais. Il m'a plus parlé, tu vois. Après, l'autre est très bon aussi. Ok, ça marche. Ouais, justement, moi, je préfère celui des tunnels, moi. D'accord. Tous les goûts sont dans la nature. Je sais pas c'est quoi l'expression. Ouais, je sais pas non plus. Ouais. La pièce, tu veux faire concurrence à Bernadette Chirac ou. Aga, l'émission elle est préparée, gars. Faut être préparé. La pièce c'est venu comme ça, gros. Franchement, je voulais faire un truc, en fait, j'arrivais pas. Parce que je suis partagé parce que ce qui se fait maintenant, ça m'intéresse aussi niveau sonorité. Et du coup, je voulais amener ces deux choses là, mais pas les mélanger n'importe comment non plus. Pas que les gens s'y perdent un peu. Et je trouvais qu'une pièce pile ou face, tout le monde fait un pile ou face. Et du coup, voilà, le côté pile plutôt old school, et puis le côté face plutôt new school, plutôt trap, on va dire. Ok. Même si c'est pas de la trap, vous attendez pas du Columbine ou des bails comme ça. Mmh. Méchant. Lorenzo. Mmh. Ok, très bien. Ouais, je le vois. C'est comment? Y a moyen de gratter des places ou quoi pour la semaine prochaine? Vois, là, j'ai peu d'invitations, moi. J'en ai peu. Tu vois, contactez le bruit qui pense au cas où il pourrait faire quelque chose, mais moi, je peux rien du tout. Okay, et ça, gros big up à le bruit qui pense d'ailleurs qui sponsorise cette soirée. Ok, d'accord. J'espère d'autres d'ailleurs. Puis grosse force à eux. Yes, très bien. J'ai vu aussi que tu avais participé au Poignet de Punchline. Yes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce... Tu vois, les auditeurs ne connaissent pas forcément, tu vois. Ben ouais, c'est vrai. À l'époque, c'était quelque chose d'énorme pour nous en tant que rappeurs amateurs. On voulait tous passer dans une poignée de punchline. Et en fait, c'est venu du fait que voilà, j'ai sorti plein d'essence. Big up aux Gilets jaunes, avant que tu le dises. Et Addictive Music a décidé de propager le son donc un peu partout sur les réseaux. Et puis voilà, donc on a signé un contrat avec Addictive. On a expliqué tout ça un petit peu. Et puis de fil en aiguille, Monsieur Desparois est venu nous joindre. Et puis voilà, on a fait une poignée de punchline. C'était Procès à la prod. Il est des Vosges, gros big up à lui. On a fait une bonne poignée pour moi. Un sale endroit. D'ailleurs, il y a SMC qui a clippé là-bas quelques mois après moi. Mais c'est pas vers Mulhouse, tout ça, ça? C'est vers Colmar, c'est bien ça. Vu après. Ouais, je suis un peu dans les urbex aussi, je regarde. Et puis, Itch. Smash. On t'appelle l'œil. Big up, Desparois, give me five, la poignée de punchline. Aïe, big up au rap belge aussi. Dans 3 ans, si je te pose la question maintenant, là on est à la radio, là. Il fait de la house. Voilà, c'est compliqué. Dans 3 ans, je me la pose. Il fait de la house. Dans 3 ans, le petit, il aura quel âge? 4 ans. Le FCSM sera en Champions League. Côte de Réal. Ouais, bah. Là, est-ce que tu te projettes dans 3 ans ou c'est au niveau de quoi, tu me dis? Du rap. On va parler du rap. Au niveau du rap, je te cache pas que dans 3 ans, si rien ne bouge, je me posais un peu des questions. Ok. Parce que je deviens vieux et... Si dans 3 ans, j'ai pas percé... Et que le temps passe. Non, c'est même pas percé, parce que moi, je rêve pas de Columbine ou autre. Tu vois, moi, tu me fais juste une petite tournée d'indé, je suis intermittent du spectacle, je gagne juste ma vie humblement, gros, je suis content. Juste de vivre de la musique, je suis content. Ne pas gagner des millions, je m'en bats les reins, gros, vraiment. Ok. Donc, on a la réponse dans 3 ans. Je peux te ramener il y a 7 ans ou pas? Tu peux me ramener il y a 7 ans? Vas-y, ramène-moi, Zek, ramène-moi. Hé, Marty. Hé, Marty, on y va. Je te ramène il y a 7 ans. C'est pas sûr, c'est à côté. Donc, on va faire un retour. Non, je vais te balancer 2-3. Enfin, j'ai sélectionné 2 trucs, 2 extraits que je vais te passer. Oh là là. Je te passe un premier truc. Oh là là. Et on en rediscute. Je vais couper. Ou pas. C'est quoi, je vais couper les micros comme ça tout le monde pourra profiter de cet instant. Vas-y. Vas-y, tu peux couper. Je t'attends. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je sais, mais non, mais t'inquiète, c'est un malin. Bonsoir. Flash info sur la planète rap. En direct de Scandinavie, mon reporter Federico a rencontré le rappeur Néfaste qui pète un plomb. Federico, pouvez-vous demander au rappeur ce qui lui arrive? Oui, bonsoir Anel. Donc je suis en direct avec Néfaste et donc je vais lui demander que se passe-t-il. Il paraît que vous pétez les plombs. Il paraît que vous avez des problèmes d'ego. Expliquez-nous tout. Mec, ça va pas quoi. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de dire des trucs. J'ai besoin de... Ah, c'est lourd. Aïe. Non, qu'est-ce que... C'est l'époque, c'est... Oui, c'est l'époque. Bien sûr, c'était il y a 7 ans. C'est l'époque. Tu viens en discuter, c'est quoi ce truc? Bah, c'est l'époque, c'est tu découvres le rap, tu découvres ce que tu peux en faire des interviews, faire des bails, tu t'exprimes. Et regarde maintenant, à cette heure-ci, la semaine prochaine, je fais la Rodia. Je suis content, merci au rap. Lourd. J'ai un peu regardé ton ancienne chaîne Néfaste Officiel ou Néfaste 25, je crois. Ouais. J'arrive pas à la supprimer, ça. Mais... Ah non, faut pas supprimer. Hey, t'as quand même plus de 78 000 vues, hein. Tout cumulé. Tu vois, je savais même pas, Zink, tu viens de me l'apprendre. Tiens, cadeau, ça te fera 5 balles après. Tu me ça pas marche, pas de soucis. On passe, je vais juste passer sur un autre petit extrait. Il y a DJ One qui est Al. Faites du bruit pour DJ One. Il est même pas là encore. Vas-y, on est là. Là, il est là. Ouais. DJ One est dans la maison. Yes. Si. Je vais repasser un autre extrait. Attends, avant de me couper. Oui. On laisse rentrer DJ One. Va partir faire le djihad tout. Grosse barbe. Il a un projet mystique. Toi aussi. Ah putain, on est à la radio, merde. En plus, il y a des darons qui écoutent. Ah, putain, toi, tu es bête. Hein. Bon, tu nous le passes, yes, cet extrait, s'il te plaît. Je te passe l'extrait. Maintenant, j'allais te poser une question. Ouais. T'es là, t'es avec moi. Ouais, j'allais te poser une question. Comment ça se passe avec les femmes maintenant? Maintenant, t'es casé, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Ok. Mais avant, c'était pas trop ouf, hein. Je vais balancer un petit extrait. Mettez-moi ça. Sérieux, t'as réfléchi à ce que je t'ai dit? Non, mais dis, on en a déjà parlé, tu le sais. S'il te plaît, écoute-moi. Je te demande juste une chance. Une seule, ça te coûte quoi? Non, je suis désolé. Oublie-moi, s'il te plaît. C'est pas grave. Mon extrait n'est pas allé jusqu'au bout. Ah, il est pas allé jusqu'au bout. Mais on ne va pas jusqu'au bout. C'est terminé. Parce que ça, c'est du passé, tout ça. Et le passé, c'est le passé. Je te ramène. On stoppe là. Voilà. Gros, le rap, tu découvres. Tac, bam, tu fais de tout. T'essaies de t'ouvrir aussi, gros. Tu vas pas faire que dire ni que la police, ni que le PEN, ni que le FN. Bien sûr. C'est un petit son love ça dans va, l'album. Ouais, ça va pas, allez, c'est bon, ça passe. Matt, l'ai vu. Ah ouais, oui, au passage. Mais moi, j'ai choqué, j'ai vu. Quand je préparais le truc, j'avais mon assistant, il m'a dit, mais il y a des achats de vues là ou quoi? Quand tu regardes des proportions, des likes et des vues, normalement, t'as toujours un dixième. Non, c'est te chaîne, tu sais, j'ai même pas de fric. Je perds des enceintes de vues. Non, franchement, voilà, tu sais, l'époque, tu découvres plein de bails et puis. Elle t'a friendzoné, hein? Elle t'a dit un truc. Alors, du coup, la pièce, quand je pile ou pas? Pile ou pas? 28 piges, tu me parles de truc il y a 10 ans, mec. Viens, on va dans le caisson. Le retour, il est 23h, faut que je tape un freestyle, ma gueule. T'es un ouf ou quoi? T'es un ouf? Non. Il me rend fou! Non. On est en 2019, ben là, oui, je ben kiffe oui. Les mics. Non, mais pour conclure le bail, moi, sur ta chaîne, j'aimais bien le délire. Il y avait toujours des délires dans chaque vidéo aussi.